Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, l'arrivée au pouvoir de Robert Bourassa en 1970. Mes chers concitoyens, il est évident maintenant que le Parti libéral formera un gouvernement majoritaire. Robert Bourassa, le soir de son élection comme premier ministre du Québec, le 29 avril 1970, ce soir-là, Robert Bourassa devient le plus jeune premier ministre de toute l'histoire du Québec. Il n'a alors que 36 ans. Le 29 avril 1970, Robert Bourassa remporte également l'une des victoires électorales les plus éclatantes de l'histoire. Ses libéraux vont remporter 72 des 108 sièges que compte à l'époque l'Assemblée nationale. C'est 2 sièges sur 3 qui sont arrachés par les libéraux ce soir-là. Monsieur Lapop, 288 voix. Monsieur Wagner, 455. Monsieur Bourassa, 843. 843 voix, alors c'est suffisant. Je crois que c'est très certainement la majorité absolue. Nous faisons le calcul. Oui. Alors écoutez, c'est avec 843 voix, c'est la majorité absolue. Et c'est une très grosse victoire. Et on va annoncer maintenant officiellement que Monsieur Bourassa est... vient d'être élu et qu'il n'y a qu'un seul tour de scrutin. S'il vous plaît, une minute. De par mes fonctions, je déclare M. Robert Bourassa élu chef du parti. C'est le 17 janvier 1970 que Robert Bourassa devient donc chef du Parti libéral du Québec. Il va devenir quelques mois plus tard premier ministre, le plus jeune premier ministre, je le rappelle, de l'histoire du Québec à l'époque. Pour nous raconter cette aventure qui va mener Robert Bourassa au pouvoir, mon invité, l'historien et politologue Jean-Charles Paneton, auteur, entre autres, d'un ouvrage consacré à Pierre Laporte, qui sera l'un des adversaires de Robert Bourassa dans cette course à la direction du PLQ en 1970. Jean-Charles Paneton, bonjour. Bonjour. Quand on parle de Robert Bourassa, Jean-Charles Paneton, il faut d'abord rappeler qu'on parle au fond presque de deux hommes, en tout cas de deux périodes distinctes. Le Robert Bourassa première mouture, celui qui va être au pouvoir entre 70 et 76, et le Robert Bourassa deuxième mouture, celui qui sera au pouvoir entre 85 et 94. Avant de nous attaquer au Bourassa des jeunes années, c'est ce qu'on va faire dans cette émission, un mot quand même pour essayer de voir comment va évoluer cet homme politique. Comment se comparent les deux Bourassa? Alors, en 70, Robert Bourassa a 36 ans. C'est un jeune homme. En fait, le plus jeune premier ministre que les Québécois auront élu. Donc, c'est un homme assez vert comme tel. Une carrière politique, somme toute, assez courte aussi. Il est arrivé, il est élu la première fois en 1966. Donc, un homme vraiment, un jeune homme. Et donc, c'est quelque chose qui est très, très différent quand il revient. Alors là, on a Robert Bourassa qui est un homme mûr, disons, qui connaît aussi tout ce qu'est le pouvoir, qui connaît mieux le Québec aussi. Et donc, ce n'est pas la même chose. Mais dans les deux cas, on peut dire que le jeune comme l'homme plutôt mûr va devoir travailler fort à régler plusieurs grandes crises dans les deux périodes. Revenons donc à ce jeune Bourassa, à sa montée, à son ascension du jeune Bourassa vers le pouvoir en 1970. Dans quel contexte il devient le chef du Parti libéral du Québec en 70? Ben, il va devenir le chef du Parti libéral du Québec après une course qui a été quand même assez difficile, assez rude aussi. Robert Bourassa, tout au long de cette course, ne sera jamais inquiété de gagner, bien évidemment. D'abord parce qu'il bénéficie de l'appui de l'establishment. Cet establishment-là est constitué de libéraux fédéraux, par exemple des ministres très importants que sont Gérard Pelletier, Jean Chrétien, etc., etc. Et donc, au départ, il a une base très, très solide. Il bénéficie aussi de l'appui de l'organisateur principal du Parti libéral du Québec, M. Desrochers, Paul Desrochers. Et donc, il a pratiquement tous les atouts. Même Jean Lesage, au fond, qui va tarder à démissionner. Oui, j'allais vers Jean Lesage parce que Jean Lesage, en fait, prépare un peu le terrain. Jean Lesage voit Robert Bourassa comme son fils spirituel avec qui il a travaillé de 1966 à 69-70. Bourassa va l'engager d'ailleurs plus tard comme conseiller juridique au gouvernement. Donc, ce sont deux hommes qui ont développé une très, très grande amitié et les biographes le diront. Bourassa, entre René Lévesque et Jean Lesage, a choisi Jean Lesage. Il n'a pas que choisi les idées, il a aussi choisi l'homme avec lequel il s'entendait très bien. Il le fait aussi, on le dit souvent, par ambition, parce que Jean Lesage, il le savait en fin de course, alors que René Lévesque, lui, était plutôt au début de quelque chose qui allait le mener éventuellement au pouvoir. Voilà. Oui. Mais donc, Lesage qui va traîner à démissionner, il démissionne en 69, le fait en partie, on peut le penser en tout cas, parce qu'il veut donner le temps à Robert Bourassa d'être prêt finalement. Parce qu'il y a d'autres candidats dans cette course à la direction, Claude Wagner, Pierre Laporte, qui eux sont prêts. Il y a des gens dans le parti qui s'impatientent, qui disent quand est-ce qu'il va démissionner, M. Lesage. C'est un peu ce qui a dérangé Jean Lesage, je pense, c'est que Claude Wagner, ancien ministre de la Justice, le monsieur Law and Order, disons, la loi et l'ordre avant tout, fait partie donc de cette course-là. Pierre Laporte, ministre, qui était ministre des Affaires municipales, ministre des Affaires culturelles, un homme qui a beaucoup aidé Jean Lesage en plein dossier. C'était un peu le ministre dépanneur. Dès qu'il y avait un problème, on appelait Pierre Laporte, qui avait un très bon contact avec les députés, entre autres. Il bénéficie d'ailleurs d'un appui d'un nombre de députés assez important lors de la course à la chefferie. Donc, Jean Lesage ne les tient pas nécessairement. Ce sont des collaborateurs, mais il n'a pas apprécié de se faire remettre en question. Il n'a pas apprécié leur ambition et son choix, donc, même s'il ne le dit pas ouvertement, se porte sur Robert Bourassa. Et c'est Jean Lesage qui va aller voir l'organisateur principal du parti, ce fameux monsieur Desrochers, et qui va lui demander de s'engager pour la course à la chefferie là, dans le camp de Robert Bourassa, même si ce monsieur Desrochers en question est déjà l'organisateur déclaré de Pierre Laporte. Et avant que Pierre Laporte l'apprenne, il y a quelques mois qui vont s'écouler avant qu'il sache que finalement il travaillait déjà pour Robert Bourassa comme tel. Et ils vont travailler ça même un peu plus loin. Ils vont faire plusieurs sondages pour établir le portrait robot du candidat idéal. Oui. Et c'est évidemment ce qui ressort, un jeune candidat économiste qui va traiter des questions de développement économique qui apparaît être le candidat gagnant pour l'électorat québécois et à ça, ce moment-là. C'est l'organisation du parti, l'establishment, qui va commander ce sondage, donc avec un résultat qui correspond au portrait de Robert Bourassa, avant même que, c'est intéressant de le rappeler, avant même que Jean Lesage ne démissionne. Là. Ça se prépare, on prépare. Là. Oui, tout à fait. Ça s'est préparé et Jean Lesage donne un coup de main, même si il ne le dit pas publiquement. Il donne un coup de main, il donne sa préférence à Robert Bourassa, c'est très clair. Ouais. Un mot encore sur Paul Desrochers, donc, qui est un poids lourd, qui est l'organisateur du parti, l'organisateur en chef du Parti libéral du Québec. Il va avoir un rôle important dans la course à la direction. Sur le financement, entre autres, il va vraiment nuire énormément à Pierre Laporte. Sur le financement, effectivement, c'est que ce qu'on va faire, en fin de compte, c'est que tout l'establishment, donc les donations à la campagne des différents candidats, on va les bloquer carrément et on va empêcher, en fait, les deux autres candidats, Claude Wagner et Pierre Laporte, de bénéficier de différents donateurs, un peu en les menaçant, si on peut dire, en disant le candidat, c'est Robert Bourassa qu'il faut appuyer, c'est à lui qu'il faut faire les donations et tout. Donc, on va un peu affamer les deux autres camps. Claude Wagner va mener une campagne qui est beaucoup plus simple, beaucoup moins coûteuse, disons. Pierre Laporte, lui, veut vraiment travailler fort, il veut mettre tout ce qu'il peut mettre en publicité, etc. Donc, la campagne lui coûte plus cher. Et donc, ne trouvant personne pour financer sa campagne au leadership, ses organisateurs doivent se tourner vers des sources, différentes sources de gens qui lui offriraient des sous pour poursuivre. Et c'est là qu'ont lieu les fameuses malencontreuses rencontres entre ses organisateurs à lui et certains membres du crime organisé, comme dit Orio, comme tel. Voilà. Et ça, évidemment, ça va ça va créer beaucoup de remous. Au bout du compte, il sera en quelque sorte blanchi, je pense. Il sera blanchi après de très longues années, même après sa mort, de ces accusations-là. Mais ce qu'il faut dire d'avoir au départ... D'avoir accepté de l'argent du crime organisé. C'est-à-dire qu'il n'a jamais accepté d'argent du crime organisé. Ce qu'on dénonce dans tout ça, c'est une rencontre entre ses organisateurs et certains membres du crime organisé. Jean Allaire disait quelque chose de très clair là-dessus. Je l'avais rencontré en entrevue. Il disait tout ça a été orchestré, organisé par Desrochers. On en a profité pour le dire. On l'a affamé d'une part, et quand il y a eu cette rencontre malencontreuse-là, on a publicisé cet événement-là durant la campagne même, durant la campagne même au leadership, pour le disqualifier comme tel, pour l'écarter. Parce qu'on avait peur de Pierre Laporte pour bien des raisons, et on avait surtout peur parce qu'il avait une très bonne base d'appui auprès du caucus des députés. Il avait 18 députés qui l'appuyaient sur les 47 que comptait le Parti libéral à cette époque-là. Alors, c'est une campagne qui se déroule avec ces trois candidats. On le voit bien, Bourassa qui est appuyé par l'establishment, Bourassa qui a des moyens qui font enrager les autres, entre autres Pierre Laporte. Et puis, plus la campagne avance, plus assez clairement, Robert Bourassa prend les devants de plus en plus. Les sondages le montrent. Très, très rapidement, dès les quelques jours même avant la campagne, les sondages le démontrent. Il atteint des taux de popularité, il est à 56 %. Oui. Un sondage qui est publié le 10 janvier. Bon, à 56 %, voilà. Mais dès le départ, on voit que Bourassa est très, très populaire. Tout a été bien orchestré en publicité et en tout. Donc, ça découle, c'est naturel, en fait, tout ça. Wagner suit de plus près. Wagner, étonnamment, depuis la moitié des années 60, a toujours, dans les sondages, toujours ressorti comme souvent premier ou deuxième. Sa popularité, elle est très, très grande parce que, comme je le disais, c'est le monsieur Law and Order, disons, du PLQ, surtout qu'il avait, avec le samedi de la matraque, on se rappelle, en 64, lors de la venue de la reine, il avait endossé complètement le comportement de des policiers de l'armée qui avaient été assez durs avec des manifestants. Alors, le congrès, ce fameux congrès à la direction du parti, s'ouvre au Colisée de Québec le 16 janvier 1970. Sans promettre de miracle, je suis confiant qu'une utilisation plus dynamique de tous les moyens que nous possédons nous vaudra des résultats plus concluants que ceux que nous avons eus jusqu'à maintenant. Dans cette confiance en la réussite, je n'oublie certes pas le potentiel immense que représente cette nouvelle jeunesse québécoise, plus nombreuse, ouverte, généreuse que nous avons actuellement au Québec. Le défi québécois est à la taille de la Nouvelle-Amérique. C'est pourquoi je suis fier d'être Québécois. Je suis fier d'être libéral. Et si vous êtes d'accord, je suis plus prêt que jamais à diriger notre parti pour avoir cette société ouverte, généreuse, prospère, dont nous avons droit. Robert Bourassa, lors de son discours final de candidature le 17 janvier 1970, juste avant que les délégués aillent voter, c'est lui donc qui sera choisi comme chef du Parti libéral du Québec. Comment ça se déroule, ce congrès à la direction de Québec? Ce congrès-là, donc, au départ, il y a des plénières, discussions sur différents thèmes, tout ça. Ce que vont dire les observateurs et les journalistes à l'époque, c'est que Laporte ressort comme étant celui qui a le mieux interagi, qui avait le plus de dynamisme et tout. Mais comme on l'a dit, c'est Bourassa qui demeure le plus populaire et le plus écrasant. On a entendu un peu le discours, on voit que Bourassa n'est pas toujours quelqu'un qui parle avec émotion et tout. Ça va être souligné ça aussi, c'est un discours plutôt ordinaire, disons, qui ne soulève pas nécessairement les foules. Et donc, le congrès se déroule exactement comme, je pense, les organisateurs l'avaient prévu, avec le couronnement de Robert Bourassa. Voilà. Il est élu donc en janvier. L'élection, le premier ministre unioniste Jean-Jacques Bertrand déclenche la campagne électorale le 12 mars. Robert Bourassa prendra le pouvoir avec les libéraux le 29 avril. Un mot sur le contexte de cette élection de 70, parce que c'est assez particulier. D'abord, il y a quatre partis politiques importants qui s'affrontent. Tout à fait. C'est une première dans l'histoire. Jamais vu. Oui, tout à fait. Il y a déjà eu trois partis à un certain moment donné, de façon ponctuelle, dans l'histoire du Québec, mais cette fois-ci, il y en a quatre. Et quatre partis qui sont importants dans différents segments ou du en fait, du territoire, de l'électorat et du territoire québécois. On parle du ralliement créditiste de l'Union nationale, évidemment du Parti libéral du Québec, et d'un petit nouveau, le Parti québécois, qui, évidemment, prend beaucoup de place parce que son chef est déjà assez populaire comme tel. Oui, René Lévesque, qui était chez les libéraux auparavant. Exactement. Et donc, c'est une élection qui se déclenche avec la fin du gouvernement Bertrand, un gouvernement, donc Jean-Jacques Bertrand, qui remplaçait Daniel Johnson, qui était décédé, un gouvernement qui a beaucoup de difficultés, qui est très usé à cause, entre autres, de la loi, projet de loi 63, projet de loi linguistique. Et donc, Robert Bourassa arrive avec un discours, évidemment, ce qui fera toujours sa marque de commerce à travers le temps, un discours basé sur le développement économique. Il promet 100 000 emplois au Québec, dans un contexte où, quand même, le taux de chômage est assez élevé. Ce qui fait un peu histoire, hein, ce fameux « c'est 100 000 emplois, c'est 100 000 jobs », ça a comme marqué... Ça marque exactement la campagne. Ça lui donne une popularité dès le départ assez élevée qui ne va pas se démentir. Et ce qui est aussi de très nouveau, c'est qu'il ne va pas nécessairement s'attaquer aux unionistes de Bertrand. Il va plutôt s'attaquer au Parti québécois. Ouais. Il va s'attaquer au Parti québécois de toutes formes, sous toutes ses manières, mais principalement sur les arguments économiques qu'avancent entre autres Jacques Parizeau et René Lévesque. Il va parler de c'est Laporte qui en parlera en premier, mais il va reprendre cet argument-là. Il va parler de la pièce, la pièce à Lévesque qui ne vaut pas grand-chose, semble-t-il. Ouais. Et on l'écoute justement là-dessus, parce qu'effectivement, cette fameuse pièce à Lévesque, il en sera beaucoup question, parce qu'au fond, c'est une image très forte pour parler marquante du coût qu'aurait une éventuelle souveraineté du Québec. Robert Bourassa, le 16 avril 70, à Trois-Rivières. Un de mes collègues, M. Laporte, a mentionné que la pièce à Lévesque vaudrait 65 sous. M. Lévesque et d'autres membres du Parti québécois ont semblé se scandaliser de ce chiffre. Et pourtant, en relisant le livre Option Québec, nous voyons M. Lévesque citer M. Fullerton comme un grand expert financier qui dit précisément dans la citation choisie par M. Lévesque lui-même que le dollar québécois vaudrait 70 sous. Il n'y a pas tellement de différence en 65 sous et 70 sous, sauf qu'il y a 2 ans d'Union nationale depuis que M. Fullerton a fait cette prédiction. Dans cet extrait, Robert Bourassa, on l'entend bien, vous le disiez, la cible pour lui, c'est... Oui, il écorche l'Union nationale, mais la cible principale, c'est le Parti québécois. Tout à fait, parce que c'est le Parti québécois qui semble être le plus menaçant, comme je le mentionnais, surtout par le chef qui est très populaire, René Lévesque. Et donc, il va s'y attaquer très, très sérieusement. On se rappellera aussi, et ce qui est très marquant dans cette campagne électorale-là, c'est le fameux coup de la Brinks dont on a déjà parlé. Trois jours avant le scrutin comme tel, un photographe se trouvera comme ça sur place et pourra photographier un certain nombre, 7 fourgons en fait, qui contiennent, semble-t-il, des valeurs mobilières de la compagnie Royal Trust qui quittent le Québec, sentant la menace séparatiste et qui s'en vont en Ontario. Craignant une soi-disant possible élection d'un gouvernement souverainiste. Exactement. Et là, je reviens dans les mémoires de Jacques Parizeau. Parizeau dit à ce moment-là, on a senti les votes nous échapper, péquiste s'écrouler. Parce que ça allait assez bien. Il y avait eu des sondages qui donnaient de bons résultats pour le Parti québécois. Qui donnaient une remontée du Parti québécois, effectivement. Une popularité grandissante pour le Parti québécois. Mais le coup de la Brinks va faire dégringoler ces résultats-là, comme le disait si bien Jacques Parizeau. Et le coup de la Brinks, évidemment, ce n'est pas, vous me corrigerez, mais ce n'est pas le Parti libéral du Québec qui orchestre ça, c'est les milieux économiques. Mais ça montre qu'il y a une volonté d'exploiter ce sentiment de peur. Il y a des gens qui ont peur de la souveraineté. Du coup, on y revient, c'est un thème que les libéraux vont marteler. Économique, du coût économique de la souveraineté. Ça, c'est bien réel. C'est bien réel. Ça effraie une certaine partie de la population. Oui, et cette stratégie de faire peur, elle va revenir dans les prochaines campagnes électorales. C'est une stratégie que les libéraux vont utiliser souvent, et ils l'utiliseront même au référendum de 80, bien sûr. Puis il y a un autre exemple dans cette campagne de 70 qui nous montre cette peur du Parti québécois et de la souveraineté dans certains milieux. Le Montreal Star va publier un éditorial. Ça va d'ailleurs déclencher... une vraie polémique, cette affaire-là. D'abord, qu'est-ce que va dire le Star dans cet éditorial-là? Bien, ce qu'on dit essentiellement, c'est que les chefs politiques québécois dans l'histoire du Québec ont souvent fait preuve d'autoritarisme et qu'un Québec souverain dit l'éditeur, ferait bon marché des libertés individuelles. Alors, tendance, on est tendance fasciste, fascisante. Exactement, c'est à ça qu'on fait référence. Donc, un Québec souverain serait plutôt fascisant qu'autre chose. Évidemment, ça fait réagir beaucoup au Parti québécois parce que on sait bien que le Parti québécois est un parti démocratique. On laisse les membres voter. En fait, c'est le premier parti de masse de l'histoire du Québec. Donc, la démocratie est au sein même du parti, est au sein même du discours, du programme même du Parti québécois. Donc, on est vraiment dans des énoncés qui sont très négatifs et très loin de la réalité. Il n'y a pas de mobilisation. Il n'y a pas des journalistes dans cette affaire-là qui vont monter au créneau? Oui, vous avez raison de le mentionner. Effectivement, il y a des journalistes qui vont créer un comité qui vont dénoncer cette position-là de l'éditorialiste du Montreal Star. Oui, tout à fait. Le 29 avril, donc, 29 avril 70, les libéraux de Robert Bourassa remportent une victoire facile. 2 sièges sur 3, en fait, 72 et 108 députés de l'Assemblée nationale seront libéraux. Que dire de ce résultat-là? Donc, 45% des voix, 72 sièges. Ce qui est intéressant, c'est que le vote, pour le reste, s'est égrené entre les trois autres partis. Le deuxième qui gagne le plus de suffrages, c'est le Parti québécois, avec 23,06%. Malheureusement, à cause du découpage électoral qui donne, en fait, un poids plus important, électoral plus important aux circonscriptions rurales, le Parti québécois n'aura que 7 sièges. Alors que le ralliement créditiste, qui a 11% des voix, gagne 12 sièges. L'Union nationale, 19,65, en gagne 17. Donc, on aura une Assemblée nationale qui, véritablement, comprendra 4 partis politiques. Robert Bourassa se retrouve au pouvoir. Le Bourassa première mouture, dont on parlait au début de l'émission. Victoire facile en même temps, puis on le disait au début de l'émission, en 70 comme plus tard en 85, ce sera une arrivée au pouvoir très, très difficile pour lui. Oui, absolument. Dès l'automne, c'est la crise d'octobre qui lui tombe dessus. Il va évidemment faire appel au gouvernement fédéral qui déclara la loi des mesures de guerre, les arrestations arbitraires de près de 500 personnes. Le contexte social est explosif à cette époque-là, très difficile, surtout pour un jeune premier ministre. Certains biographes diront que malgré en public ses airs de souplesse, Robert Bourassa est quelqu'un de très, très ferme. Une partie aussi du cabinet se montrera très, très ferme envers les révolutionnaires, envers les felkistes. Et on vit très bien avec le fait de demander cette fameuse loi des mesures de guerre-là comme telle. Donc, ça commence très difficilement. Par la suite, il y aura des conflits avec le Front syndical. Front commun. Oui, exactement. Et donc, il y aura emprisonnement des grands leaders syndicaux, etc. Il y aura aussi des enquêtes comme la SECO sur certains problèmes de financement du parti, certains problèmes de corruption même qui seront évoqués. Mais on peut dire que de l'autre côté, le mandat est un de social-démocratie puisque le gouvernement Bourassa va mettre en place un certain nombre de mesures comme la mise sur pied de la protection du consommateur, la Cour des petites créances, le Conseil du statut de la femme, les CLS. Mais surtout avec Claude Castonguay, la mise sur pied du régime d'assurance maladie. Oui. Merci beaucoup, Jean-Charles Paneton. Je t'en prie. Historien politologue, auteur, entre autres, d'une biographie consacrée à Pierre Laporte. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.